La pluie jouant sourdine sur l'arc-en-ciel en notes de couleur. Le soleil se réveille et vient caresser la robe d'une fleur. Chaque instant peut durer toute l'éternité. Et quand la nuit s'en va, qu'il fait encore froid aux premières lueurs, le soleil qui s'éveille apporte l'amour, donne sa chaleur. Un oiseau vient chanter toute l'éternité. Tout au long des jours, cet amour, il faut le trouver. Tout au long des jours, cet amour, il faut le donner. La pluie joue en sourdine sur l'arc-en-ciel en note de couleur. Le soleil se réveille et vient se poser juste là sur ton cœur. Ton sourire m'a donné toute l'éternité. Cet amour, il faut le trouver. Tout au long des jours, cet amour, il faut le donner. Tout au long des jours, cet amour.